Merci d'écouter La Première. Très bel après-midi à tous et à toutes. Tout de suite, Histoire vivante. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Cette semaine, 79, année chaotique. Économie, religion, conflits et société, ça vole en escadrille. Histoire vivante, cette semaine, 79, année chaotique. Aujourd'hui, entretien avec Pascal Féroust, co-auteur avec Dirk van der Berg, du documentaire 1979, l'année qui a changé le monde, à découvrir ce dimanche soir sur RTS2. Nous sommes aujourd'hui à nouveau en compagnie de Pascal Féroust, réalisateur, co-réalisateur plus exactement, avec Dirk van den Berg, du nouveau documentaire d'Histoire vivante que vous pouvez voir sur le site des docs de la RTS ou bien encore dimanche soir évidemment sur RTS2. On va redire un mot de ce prochain documentaire dont le titre au moment où nous parlons n'est pas encore complètement établi, mais de toute façon vous aurez parfaitement saisi, on tourne autour grâce à nos deux réalisateurs de l'année 1979, année cruciale, année charnière, année pivot, qui se vérifie par un certain nombre d'événements se déroulant dans le monde, l'arrivée au Vatican du nouveau pape polonais qui exhorte, vous le verrez dans le documentaire, la population venue fort nombreuse et fort mal cadrée par la télévision officielle polonaise qui ne veut pas filmer ces masses là trop présentes, qui discréditerait évidemment le pouvoir communiste alors présent à l'époque. On a également l'arrivée au 10 Downing Street pour la première fois d'une femme au gouvernement. Il y a eu des reines en Angleterre, mais il n'y a jamais eu de première ministre. Margaret Thatcher va marquer ô combien de son empreinte ce poste-là, avec les réformes économiques qui y sont associées. On a également une confrontation, si j'ose dire, en tout cas plutôt un serrage de main entre deux pays qui étaient fortement antagonistes auparavant, avec l'arrivée de Deng Xiaoping, qui est alors le numéro un chinois, qui veut, on va en parler plus largement aujourd'hui, attirer, aspirer la Chine dans la modernité et qui ne recule devant aucun pragmatisme. Est-ce que le terme pragmatisme vous paraît être un terme qui peut être relativement aspirant sur les différents dossiers que vous avez traités? Oui, enfin, de façon évidente, on peut le dire pour Deng Xiaoping, mais je pense qu'effectivement, il y a un certain pragmatisme chez tous ces personnages en saisissant dans le moment, dans l'époque, ce qui leur permet d'avancer, ce qui leur permet de faire un pas vers l'histoire. Bah, Deng Xiaoping, vieux compagnon de Mao Tse-tung, qui a été excommunié à une époque, qui connaît l'état réel de la Chine, la peinture qu'on peut faire de la Chine sous la révolution culturelle, c'est quelque chose d'effroyable. Et quand il revient au pouvoir, il accompagne ces quatre modernisations dont il parle, la défense, l'industrie, la science, la technologie, etc. sont des choses qui préexistent déjà avant. C'est vraiment la fin de Mao qui déjà lance ces idées. Mais lui va décider effectivement que c'est ça ou rien. Je crois que c'est ça ou la mort. Enfin, c'est véritablement comme ça. Et à partir de ce moment-là, il faut aller chercher chez là où la technologie existe, là où la connaissance existe, les moyens d'avancer plus vite. Donc il va aller vers les États-Unis, ce que les Américains ne vont absolument pas croire. Les Américains, ils sont sur un enjeu géostratégique totalement différent et ne vont jamais penser, au moment où tout ça se passe, que effectivement la Chine va devenir 40 ans plus tard la première économie du monde. On est avec des personnages comme ça. On est dans une période où on commence à penser qu'effectivement cette idée d'un État qui serait trop puissant, qui répartirait mal les gains de ce qu'a été toute cette croissance de l'après-guerre, que on ne permettrait pas aux individus de pouvoir libérer toutes leurs forces et créer toute la richesse nécessaire, etc. Oui, c'est très oui, ils sont très pragmatiques. Ce sont pas des idéologues en définitive. C'est ça peut-être qui est le plus étonnant, c'est qu'ils sont, quelqu'un qui sent la, qui sent l'époque, qui sent ce qui traverse l'époque et qui y va. Et à partir de ce moment-là, on ne fait pas de quartier, on y va réellement. Et Khomeini, en Iran, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que si on regarde bien, si on écoute bien, on leur donne le pouvoir. Eux, ils arrivent avec, avec une proposition dont ils sont très peu sûrs. Quand ils rentrent en Iran, à Téhéran, ils ne savent pas très très bien ce qui va se passer à partir du moment où il atterrit. Et là, on est face à tellement de doutes, tellement de renoncements de part et d'autre sur ce qu'est l'idée de la démocratie, de ce qu'est l'idée de ce qui est nécessaire. Les peuples vont se trahir eux-mêmes d'une certaine façon et vont donner le pouvoir à des gens qui, eux, alors de façon là aussi très pragmatique, sont prêts à le saisir, et quand ils le saisissent très fermement. Dans ce documentaire, Pascal Vérouz, vous avez, avec votre co-réalisateur Dirk Vandenberg, choisi de faire parler des gens extrêmement différents selon les dossiers. Arrêtons-nous peut-être sur, sur l'Iran, précisément. Ce sont des femmes essentiellement qui prennent la parole. Grâce à elles, grâce à leurs témoignages, il est possible d'ouvrir une partie qui n'est pas de loin la plus connue concernant la révolution de Roménie. Est-ce que vous pourriez nous les présenter et présenter aussi cet axe-là, ce chapitre-là? L'idée autour de la révolution iranienne, c'était, voilà, on n'allait pas pouvoir raconter la complexité, ce qu'était la révolution iranienne, c'était pas notre sujet. Nous, ce qu'était notre sujet, c'était le retour du religieux comme dans le politique. Il y a une autre chose qu'on constatait, justement, dans l'idée du retour des conservateurs. Si on regarde la Pologne, en 79, les femmes ont plus de liberté, d'une certaine mesure, qu'aujourd'hui. En Iran, elles ont plus de liberté en 79 qu'elles n'en ont aujourd'hui. Dans beaucoup de pays, on est dans la remise en cause de toutes ces avancées, là encore, de tout ce qu'a été ce souffle des années 70. Et c'est une lutte, mais vraiment, vraiment quotidienne, pour faire en sorte que les femmes continuent à pouvoir revendiquer une égalité, de pouvoir revendiquer une liberté. C'est quelque chose de très, très actuel. Et on se retrouve en Iran avec cette chose assez incroyable, c'est que les femmes ont pris une part absolument incroyable à la révolution. Ce sont celles qu'on voit dans le film, ce sont des intellectuelles, ce sont des universitaires. L'une est pas encore universitaire, à une vingtaine d'années à l'époque, mais les deux autres sont des universitaires qui rentrent avec des idées. Enfin, deux reviennent à ce moment-là en Iran, la troisième est déjà sur place. Elles sont portées par des idées de gauche, etc. Et se lancent dans ce combat avec cette idée et cette très belle idée de on va renverser une dictature pour avoir quelque chose qui sera, qu'on n'appelle pas la démocratie, qu'ils n'appellent pas la démocratie. Ils ne sont pas du tout, les gens de gauche à l'époque, convaincus que la démocratie est quelque chose qui est l'exemple. La liberté viendra plutôt du socialisme que de cette idée de la démocratie. Et elles sont à la fois, je trouve, emblématiques de ce qu'a été la lutte de ce peuple qui se soulève contre une dictature. C'est très simple d'une certaine de façon. Et comment elles vont être celles qui vont être les premières à être châtiées par ce régime. Et on va restreindre leur liberté de femme comme on a restreint la liberté de ce peuple. Mais alors on peut peut-être parler d'ailleurs de deux sociétés féminines. Une partie d'entre elles, je ne sais pas quelles sont les proportions, portant le voile, l'autre refusant obstinément, radicalement, de le porter. Ce que je comprends de cette histoire-là, c'est que le voile n'est pas un problème en 79. Ce que fait le pouvoir de Khomeini quand il arrive, ils vont se servir de cette idée du voile pour en faire une symbolique de ce qu'est la révolution, de ce qu'est leur révolution, de ce que doit être cette société. Et à partir de ce moment-là, dans les manifestations, on a ces très très belles archives qui ont été faites par les éditions des femmes à l'époque, qui sont allées tourner en Iran. On voit bien que toutes ces femmes ne portent pas le voile et que même une dit mais s'il continue de cette façon-là, je ne suis plus musulmane. On voit bien que l'enjeu du voile en lui-même n'est pas un enjeu. Ce qui est un enjeu, c'est dans quelle société nous avons vécu. Et dans les manifestations, très vite, on commence à distribuer aux femmes des foulards, des voiles, pour faire en sorte qu'il y ait un uniforme de ce que doit être la femme iranienne de la révolution. On habille la femme de cette symbolique de ce que doit être la femme dans l'islam révolutionnaire iranien. Khomeini n'a jamais oublié de dire « Tout ce que nous donnons va être conditionné par l'islam ». Il a toujours rêvé de l'Iran, d'un état dans lequel la charia s'appliquerait. La chose la plus importante, c'était le droit des femmes, le droit de la famille. C'est pour ça qu'il a été envoyé en exil, parce qu'il s'est opposé au droit de vote pour les femmes. Khomeini revient d'un exil qui aura duré 15 ans, dévoré par l'ambition d'un projet qu'il a choisi de soigneusement taire. De Khomeini, je ne connaissais rien. En fait, on voulait que la révolution continue son cours, et pour nous, c'était un moment historique très important. C'était vraiment un énorme spectacle de l'accueil populaire qui m'intéressait à l'époque. Et j'espérais qu'il va rentrer à Qom et qu'il va y rester. Little by little, petit à petit, il s'est produit que Khomeini et en fait la population islamique sont arrivés au pouvoir. La gauche n'était pas dans cette revendication de la démocratie, et même c'était pour des raisons différentes le même esprit de rejet de la démocratie qui a fait que les islamistes ont pu gagner facilement le pouvoir. Puis nous avons vu dans toutes les manifestations, à partir d'un certain moment, que des femmes venaient avec le tchador noir ou un foulard noir, quelque chose comme un hijab. Ce symbole parlait à tout le monde. Pour l'unité de la lutte, les femmes devaient porter le hijab. Ils les offraient dans les rues de Téhéran, dans les manifestations. Le voile de ces femmes, ça prenait un peu une allure très acceptable, puisque c'était quand même les femmes de peuple. C'est comme si le voile devenait l'habit des femmes de peuple. Et ça, c'était quand même catastrophique. Je crois que je l'ai entendu au journal de 21h. Khomeini a dit que les femmes ne devraient pas aller travailler nues. Nues, ça veut dire sans le voile. Au moment-là, on ne l'a pas pris au sérieux. Moi, je me suis dit, il est fou, il a perdu la tête. Ça veut dire que nous, entre nous, on riait, on disait que voilà, encore une phrase qui sort de nulle part. Mais non. Le fait que les femmes devraient aller travailler voilées, c'était comme une gifle. Nous, les femmes, nous avons eu des martyrs comme les hommes. Nous avons lutté avec le voile et sans voile pour notre liberté et pour celle du peuple. Et si Khomeini continue ainsi, moi qui suis une vraie musulmane, je quitterai ma religion. On n'a pas le droit de parler pour les femmes. Il y a seulement le gouvernement islamique qui doit parler, qui peut parler. Et nous, les femmes, on n'a pas le droit de parler. Nous parlons pour notre droit. Nous parlons pour notre droit égalitaire avec les hommes. Et nous pensons, si nous ne parlons pas maintenant, quand la Constitution sera écrite, ils ne nous accorderont plus rien. Nous ne manifestons pas seulement pour le problème du voile, mais pour tout un ensemble de choses beaucoup plus importantes. Le deuxième jour, une horde armée de chaînes s'est opposée à notre manifestation. Ils ont vraiment fait beaucoup de trucs sales. Ils ont dit beaucoup d'obscénités aux femmes qui manifestaient et ils ont attaqué avec leurs chaînes. Et ils les ont poussés dans une impasse contre un mur. Et ils ont sorti leur pénis et leur ont tendu en disant « Vous voulez la liberté? Venez la prendre ». Aujourd'hui, personne ne se souvient que le 23 juillet 1979, 44 scientifiques remettaient au président Jimmy Carter le premier rapport sur le réchauffement climatique. Ils prévoyaient que les émissions de CO2 doubleraient d'ici 2030, que la température de la Terre augmenterait de 3 degrés. Et ils s'alarmaient des conséquences socio-économiques catastrophiques. Malgré la publication de nombreux autres rapports, leur prédiction de 1979 s'avère toujours d'une actualité criante. Un extrait de 1979, l'année qui a changé le monde, le prochain documentaire d'Histoire vivante à découvrir ce dimanche soir sur RTS2. Retour à Histoire vivante, juste après quelques nouvelles de la route. Infotrafic RTS. En ville de Fribourg, plusieurs véhicules viennent d'entrer en collision sur l'avenue du Midi. Veuillez compter avec de fortes perturbations au passage du chantier de Beaumont. Suite de l'entretien avec Pascal Ferroust, co-auteur avec Dirk van der Berg du documentaire 1979, l'année qui a changé le monde. Pascal Ferroust, on est aujourd'hui à nouveau avec vous pour évoquer votre documentaire que vous co-réalisez avec votre vieux complice Dirk van den Berg. Vous aviez déjà travaillé ensemble autour de 1979, le siège de la Mecque. Là, nous revenons de nouveau, vous restez à l'année 1979 en la quadrillant de façon un peu plus large sur le planisphère. Allons un peu sur ce qui concerne le dossier États-Unis-Chine. Lors de notre dernier entretien 2018, vous avanciez cette idée d'une année 1979 qui cristallise les événements. Or, en me penchant un petit peu plus sur cette relation entre États-Unis et Chine, même si dans votre documentaire, c'est essentiellement sous Jimmy Carter que les relations ont lieu avec la visite de Deng Xiaoping, c'est évidemment sous le précédent Nixon que cette chose-là va apparaître. On parlait au début de l'entretien du pragmatisme. On sait que le tenant de cette politique d'ouverture qu'a été le diplomate Henry Kissinger penser la politique en réelle politique, mais restons peut-être sur cet étage de 1979. Bien sûr, là, on a affaire à des événements qui se passent cette année-là, mais d'une certaine manière, ils ont déjà été largement anticipés auparavant, justement par la visite surprise de Nixon à Pékin. Alors, c'est quoi ce sujet ? Ça, c'est vraiment l'idée de la cristallisation. C'est-à-dire à partir du moment où, effectivement, les choses basculent. C'est Nixon qui décide qu'il faut se rapprocher de la Chine. Il y a une doctrine américaine qui pense qu'il faut tenir et contenir l'URSS et que à partir du moment où on la contient, le système est tellement défaillant que tout ça va finir par s'effondrer. Donc, la Chine fait partie, évidemment, d'un partenaire stratégique possible, fort, sur lequel les États-Unis peuvent s'appuyer dans cette théorie-là. Donc ça, c'est Nixon qui lance cette politique, qui fait les premiers pas de tout ça. D'ailleurs, le diplomate américain Chase Freeman, qu'on interroge dans le film, est le traducteur de Nixon pendant le voyage de Nixon à Pékin, quand il rencontre Mao Tse-tung. C'est aussi pour régler, pardon de vous interrompre, mais entre parenthèses, la question du Vietnam, que cette rencontre avec la Chine est établie en espérant que celle-ci puisse aboutir, ce qui ne sera pas le cas. Qui sont effectivement toutes ces problématiques régionales, mais avec cette idée qu'il faut de toute façon arriver à des stabilisations tout autour pour effectivement contenir ça. Il y a l'autre idée de force quand même de toutes ces années-là, chez tous ces personnages-là, c'est un anticommunisme mais fervent, qui fait que il faut faire tomber ce monstre. Et ils vont préparer petit à petit les Américains, parce que c'est quand même pas facile de faire croire à un peuple que les communistes sont des démons pour arriver avec le leader du plus grand pays communiste, parce que c'est quand même le plus peuplé de, déjà à cette époque-là, et dire bah, ce type-là c'est un brave type. C'est pas si simple que ça. Donc il va y avoir toute une politique qui va être une politique avec les médias, qui va commencer à faire, à présenter au peuple américain la Chine, et de montrer qu'effectivement tous ces petits hommes jaunes ne sont pas aussi détestables qu'on pourrait le croire. Au début de l'année 79, c'est le moment où ils se disent, ça y est, on peut rentrer dans ces logiques-là. Et du côté chinois, je pense que Deng Xiaoping ne voit qu'un intérêt, c'est-à-dire il faut qu'on s'en sorte, il faut qu'on aille chercher les connaissances, l'argent, là où il est. Et donc c'est le moment propice. Mais d'une certaine façon, si l'URSS, à la fin de l'année, n'entre pas en Afghanistan, je ne suis pas sûr que tout ce qui se passe après se passe. C'est-à-dire que c'est bien parce qu'à la fin de l'année, c'est-à-dire qu'on a ces deux moments-là, c'est ce moment où on dit... La Chine ne tapez pas sur la table pour vous exprimer, voyons. Pardon. La Chine est notre allié, et à la fin de l'année, c'est de façon extrêmement claire, une alliance entre les États-Unis et les Chinois pour faire tomber l'Union soviétique. Alors je le disais, à son retour Deng Xiaoping, son retour des États-Unis, il va se faire quelque peu critiquer, ce qui est relativement inhabituel dans cette Chine particulièrement autoritaire, et on a le droit... Dans votre documentaire, il y a des images dont je me suis demandé véritablement qui avait pu les filmer, quelles en étaient les origines. Imaginez donc, vous qui nous écoutez, une immense avenue, vous nous donnerez le nom de cette avenue, le long duquel il y a un mur, et puis on dirait comme ça des espèces de grands post-it qui sont posés sur le mur, et puis des gens qui s'attroupent pour les lire. Un journaliste britannique, Nigel Wade du Daily Telegraph, m'a appelé et m'a dit « Roger, j'ai un tuyau, il y a quelque chose d'intéressant à voir sur un mur du centre-ville. » À l'époque, je n'écrivais pas des affiches à grand caractère. J'écrivais sur des papiers plus petits, sur un format classique de magazine. Vers minuit ou tôt le matin, après les avoir écrits, je les ai collés sur le mur de la démocratie. Là-bas, nous avons trouvé un groupe de jeunes hommes et de jeunes femmes portant de lourds manteaux qui s'entassaient autour d'un mur sur lequel des affiches à grand caractère étaient apposées. Il y avait une ou deux centaines de personnes entassées qui lisaient. À l'arrière, les gens n'arrêtaient pas de crier « Frère, lisez pour nous, nous ne voyons rien d'ici ». C'était très excitant. Quand j'ai vu ça, j'étais vraiment heureux. Il a mis une affiche traitant Deng Xiaoping d'escroc et d'imposteur. Personne n'avait osé défier de cette façon un dirigeant communiste, et personne n'avait appelé de cette façon un changement de régime politique au cours des 30 ans d'histoire de la République populaire de Chine. L'avenue, c'est l'avenue de la paix éternelle qui nous amène à la place Tiananmen. C'est une tradition. En Chine, les murs ont la parole. Les murs ont la parole, on inscrit les slogans, on inscrit tout un tas de choses, etc. Mais ce mur-là prend une dimension tout à fait particulière parce que c'est le lieu où, à ce moment-là, à partir de la fin des années de 78 et tout au début de 79, le mouvement de la démocratie va se lancer et va se ces affiches vont être critiques et de façon très violente envers le pouvoir. Alors ce qui est intéressant, c'est que nous, on a un des personnages de cette époque qui a été celui qui a affiché un des messages les plus violents et qui appelait, lui, à la cinquième modernisation, la démocratie. Ce qui est très intéressant dans ça, c'est qu'on retrouve chez lui exactement la même dynamique qu'on va retrouver chez les Polonais de l'avant-solidarité. C'est-à-dire, ce sont des gens qui ne pensent pas que le parti communiste et le communisme va disparaître, mais qui pensent que à l'intérieur du parti, on peut faire évoluer tout ça vers quelque chose de meilleur. On le retrouve chez les Polonais, qui sont tous membres du Parti communiste et qui se disent à l'intérieur, on va essayer de faire quelque chose. Mais répondez donc à ma question, ces archives, parce que filmer dans archives, la Chine de l'époque, c'est un fait rarissime. Alors, il se trouve que ce sont trois personnes, un Français et deux Autrichiens, qui à l'époque sont sur place et font des films Super 8. Donc, à titre personnel. À titre personnel, bien D'accord. sûr, oui, ce sont des archives personnelles et qui filment ce mur. Ce mur, on le voit en 79. À la télévision, mais on n'y fait pas véritablement attention parce qu'on ne le présente pas comme ça. C'est là où je dis le rôle des médias pourrait s'y intéresser. Quand les relations diplomatiques entre la Chine et les États-Unis sont rétablies, la télévision française va aller faire des grandes émissions en Chine pour nous montrer ce merveilleux pays en progrès. À partir de ce moment-là, nous montre ce mur en disant que ce sont des artistes, etc. Mais on ne nous dit pas que c'est le lieu de la contestation. Mais alors, par quel heureux hasard avez-vous pu mettre, vous, enfin votre archiviste, enfin l'équipe qui a travaillé avec vous, la main sur ces objets privés? Là, c'est mon camarade Dirk Vandenberg qui est un grand spécialiste de la fouille sur Internet et qui effectivement est tombé sur les premières images et en tirant le fil, on a réussi à mettre la main sur ces archives-là. Archives que vous découvrirez dimanche soir sur RTS2, que vous pouvez voir et revoir jusqu'à satiété sur le site d'Histoire Vivante, le site des docs. Pascal Vérousse, merci encore. On va donc pas donner le titre du documentaire, puisqu'il est encore à la table de travail en train d'être... Disons que on va l'appeler 1979, l'année qui a changé le monde. Je pense que c'est vers ça que nos amis diffuseurs se destinent. Bonne continuation à vous, à très bientôt.